Chapitre 43e, le plat aux pointes d'acier. Paulin Broquet, tout en parlant, avait défait le couvercle en papier du bol. Il montra du macaroni semblable en tout point à l'autre, mais qui flottait dans une espèce de sauce claire. « Ah ! Firent les magistrats. Celui-ci est aigre, il sent le sûr. Non ? Répondit le détective. « C'est le même macaroni. Je lui ai seulement ajouté cette sauce. Cette sauce est tout simplement de l'eau vinaigrée et du jus de citron. Cette sauce acide joue ici le rôle des acides de nos estomacs. » Il ajouta. « Je dois dire au surplus que Fungetti, sous prétexte de faire manger à Mussiden des produits de pays exotiques qui lui rappelleraient ses voyages, nous a servi des hors-d'œuvre, d'ailleurs exquis, dans lesquels le vinaigre, le citron et autres acides ont un emploi capital. Cela est nécessaire, comme vous allez le voir immédiatement. » Il demanda au magistrat de faire ici la même chose que précédemment et de prendre en leurs doigts du macaroni. Les magistrats avaient à peine commencé à triturer ce qu'ils avaient cueilli dans le bol qu'ils secouèrent leurs mains, agitèrent leurs doigts. « Et là ! Et là ! » firent-ils. « Mais celui-ci pique ! Il est plein d'épines ! C'est une plaisanterie ! Voyons, Broquet, vous avez farci ce bol de bout d'aiguille, de pointe d'acier. » Paulin Broquet se mit à rire. « Ma démonstration est faite, messieurs. Retirez tout cela. Inutile de vous piquer les doigts davantage. » Et il expliqua. Le crin de Florence, vous le savez certainement, est fabriqué par un procédé spécial et avec un soin minutieux avec le gros intestin du ver à soie. Il est incolore, d'une résistance fantastique à la traction. Il est à la fois très souple, puisqu'on peut le nouer très finement, et très rigide, puisqu'il traverse les épidermes durs de vos doigts. C'est un produit merveilleux. Fungetti en connaissait les admirables propriétés de souplesse, de rigidité, d'invisibilité. Et il en a fait l'arme la plus terrible, la plus odieuse, la plus lâche qui saute au monde. En la mêlant à son macaroni, parfaitement. Fungetti a dû faire d'abord tremper ses crins de Florence dans l'eau tiède. Les crins sont devenus d'une souplesse de fil de soie et d'une transparence de fil de verre. Dans cet état, il les a coupés en bouts de quelques centimètres et les a mélangés à ses condiments. Il était matériellement impossible, en mangeant, de les voir, de les sentir. Ils sont, nous l'avons constaté, invisibles, sans saveur et sans consistance. C'est exact. Mêlés au fil du fromage, ils devaient fatalement passer sans qu'on pût les deviner. Une fois dans l'estomac, leur rôle perfide commençait et ils allaient accomplir leur atroce mission. En effet, les crins de Florence, si souples dans l'eau tiède, l'eau froide même, tous les liquides en somme, deviennent durs, rigides et pareils à des petites lames d'acier, dès qu'on les trempe dans un acide quelconque, le citron, le vinaigre surtout. Avalés avec plaisir, en même temps que le macaroni royal, les bouts de crins de Florence devaient, quand commencerait le travail de la digestion, sous l'action des sucs gastriques, fortement secondés par l'effet des condiments, des hors-d'œuvre, se raidir, se changer en autant d'aiguilles, de petits poignards. Une fois passés dans la circulation, alors qu'aucune intervention humaine n'aurait eu d'effet, ils nous auraient perforé non seulement l'estomac, mais les intestins. Ils auraient provoqué des centaines d'hémorragies internes et devaient infailliblement nous tuer après des heures de torture épouvantable. Voilà, messieurs, ce que Fungetti avait préparé. Voilà ce que j'ai eu le bonheur d'empêcher. Voilà enfin la preuve du crime qu'allait commettre cet homme que j'ai arrêté. Les magistrats, qui cependant avaient l'habitude du mal, des complications criminelles, du sadisme, de l'assassinat, ne pouvaient s'empêcher de frissonner d'horreur, de frémir d'indignation, en écoutant Paulin Broquet durant sa poignante démonstration, tant cet attentat leur paraissait épouvantable, lâche. Ce misérable, déclarèrent-ils, ne mérite aucune pitié, aucune commisération. C'est bien mon avis, déclara Paulin Broquet. Et cependant, ce crime me paraissait tellement odieux que je pensais en allant se déjeuner que cet homme ne pouvait pas l'avoir accompli. Je voulais espérer que, pris sinon d'un remords, du moins d'un scrupule d'humanité, il n'avait pu se résoudre à assassiner de cette épouvantable façon une femme. Et quelle femme adorable entre toutes, Mussiden. Je pensais que puisqu'il devait me tuer, il avait remis à un autre jour son attentat et qu'il me frapperait avec une autre arme. Durant tout le commencement du repas, je le voyais gai, aimable au possible, faisant de l'esprit, plaisantant, riant avec Mussiden. Je finissais par me dire, et cela avec bonheur, croyez-le bien, que je ferais aujourd'hui chou blanc. Mes doutes sont revenus tout à coup quand il a voulu, après avoir mangé du macaroni, se lever et descendre à la cave pour y aller quérir du vin d'astic qu'il prétendait avoir oublié. Vous ne vous êtes pas laissé prendre à ce stratagème ? Non. J'ai eu la certitude qu'à ce moment, il avait accompli son forfait et qu'il voulait prendre la fuite. Mais j'étais auprès de lui et, pour rien au monde, je ne l'eusse laissé s'en aller. Il avait lui aussi mangé de son plat royal ? Il ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas faire autrement. Il en avait toutefois beaucoup moins absorbé que nous. Mais je supposais qu'il avait dû, avant le repas, prendre des précautions et avaler, comme nous, un antidote. Bref, je l'ai retenu, et maintenant nous le gardons bien. À ce moment, l'appel du téléphone qui se trouvait sur le bureau du chef de la sûreté résonna. M. Baumier détacha le cornet et écouta. « Ah, par exemple ? » s'écria-t-il aussitôt en tressaillant. « Oui, oui, tout de suite. Transportez-le à l'infirmerie, dans une salle spéciale. Prévenez le médecin. Je viens !» Il raccrocha le cornet du téléphone et se tourna vers le juge d'instruction et Paulin Broquet. Avant qu'il parlât, le détective lui dit « C'est Fungetti qui est souffrant, oui, je m'en doutais. C'est l'antidote, ce qu'il a pris enfin pour échapper à la mort qu'il voulait nous donner, qui commence à produire son effet. Ne nous en inquiétons pas. Allons le voir tout de même, » dit le juge d'instruction. « Peut-être, au cours de la souffrance, quelques paroles lui échapperont qui nous seront utiles. J'en doute fort, » dit Paulin Broquet, « mais allons-y toujours. » Tous trois se dirigèrent vers l'infirmerie du dépôt. On avait transporté Fungetti dans une salle spéciale, ainsi que l'avait recommandé le chef de la sûreté. En cours de route, Paulin Broquet dit au magistrat « Je crois qu'il serait bon que cet homme ne me voie pas avec vous. Pourquoi ? Laissons-lui croire que je suis victime de son attentat, que tous ses convives sont également malades ou déjà morts. » « Oui, c'est une idée, » fit M. Urbain. Donc, le juge d'instruction et M. Baumier seuls pénétrèrent dans la salle où Fungetti se tordait par terre en proie à d'atroces douleurs. Il criait, il hurlait, il rugissait. Les infirmiers, dès les premiers moments, voulurent le mettre sur le lit. Mais il leur échappa des mains. Il les bouscula et courut comme un fou à travers la pièce dont il renversa les meubles. Puis il tomba, se roula sur le sol parmi les débris d'une cuvette en faïence grossière qui se trouvait sur une petite table jetée à terre et les morceaux d'une grosse carafe d'infirmerie cassée en tombant. Ce n'était plus un être humain, mais une sorte de monstre se débattant dans des linges, des lambeaux d'étoffe, ce qui restait de ses habits qu'il déchirait avec rage. Il se donnait de grands coups de poing sur le ventre, se lacérait la poitrine avec les ongles. Sa figure, couverte de sang, en tombant, il s'était blessé sur les tessons de verre et les débris de faïence, ruisselait de sueur. Ses yeux roulaient affreusement dans leurs orbites, d'où il semblait vouloir s'échapper, et sa bouche tantôt se serrait en faire fondre les dents, tantôt s'ouvrait toute grande en hurlant. De ses lèvres coulait une bave verdâtre mélangée à du sang noir. Le médecin appelé essayait de faire prendre un calmant quelconque à ce malheureux. La cause de cette souffrance lui échappait. « Empoisonnement, » pensa-t-il tout d'abord. « Mais quel genre d'empoisonnement ? Quel antidote donner ?» Il lui fit avaler à tout hasard du charbon en poudre, en attendant qu'on préparât à la pharmacie un vomitif énergique. Mais quand le sang apparut aux lèvres, le médecin comprit qu'il ne s'agissait pas là d'un simple empoisonnement. « Il y a blessure intérieure, » dit-il au magistrat, arrivé à ce moment. « Blessure grave, dont la cause m'échappe, que seul ce malheureux peut nous indiquer. « Oui, docteur, » approuva le juge d'instruction, « ce n'est pas un empoisonnement, mais comme vous le dites, une blessure intérieure. » En quelques mots, promptement, M. Urbain mit le docteur au courant de l'événement. « Mais alors, rien à faire désormais ?» dit le médecin. « Non, je ne crois pas. Cet homme est perdu. Absolument. Il va mourir fatalement. La médecine n'aura pas le temps d'intervenir et le moyen de le faire lui échappe. Je vais seulement essayer d'atténuer ses souffrances, qui doivent dépasser tout ce que l'imagination peut concevoir. »